En vrai, c'est une machine à ruban qui sert à découper des morceaux de tôle. Du profilé. Du profilé, ouais. Merde, ce polo, c'est où? C'est là. Mais tu veux plus, là, faut le mettre dans la salle. Non, il est long, quand même. C'est parti. Dernier écouté, tout après.